بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. Donc nous continuons dans les fondements de la salafia, de la da'watu as-salafia, la prédication salafie, du Cheikh Abdus Salam ibn Birgis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors ici, nous avons vu dans notre assise précédente le troisième fondement, qui est quoi? Ad-da'watu ila Allah ta'ala ala basirati, appelé à Allah avec science. Alors ce fondement représente ici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ce verset qui se trouve dans sourate Yusuf, Allah dit: Mohammed, voici ma voix, j'appelle à Allah, me basant sur une clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Alors cela montre que celui qui suit la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la Buddha en yadu'u ila Allah ala basir. Il est impératif qu'il appelle à Allah avec science, clairvoyance. Voyez. Ensuite, maintenant ici, dans le quatrième fondement de la prédication salafie, le cheikh, après avoir parlé d'appeler à Allah avec science, avec clairvoyance, il va ici aborder dans le quatrième fondement l'importance qu'on doit accorder à la aqida, à la croyance des salaf. Ilman wa amala. On accorde l'importance dans la science, la mise en pratique, wa ta'lima, et l'enseignement. Donc ici, الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. Accorder de l'importance à la croyance des pieux prédécesseurs dans la science, la mise en pratique et l'enseignement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la croyance, qui est la croyance du tawhid, la croyance de la ilaha illallah, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors cette croyance, on doit accorder de l'importance à cela. Dans nos apprentissages, c'est ce qu'on doit dévancer. Dans nos mises en pratique et dans nos enseignements. Et lorsqu'on enseigne, on dévance la croyance des plus précieux. Alors le cheikh Abdus Salam, il dit: wa inna mimma yusaf lahu annana asbahna nasma fi hadhihi al-awniyah al-akhirah kalaman yunabiz al-aqida. Il dit de ce qui est malheureux et que nous entendons ces derniers moments des paroles qui rejettent la croyance. Des paroles qui rejettent la croyance. Wa yub'idha an sahati al-ihtimam. Et éloigne la croyance du domaine de l'importance. Ici, il faut comprendre ici la parole du cheikh. Le cheikh veut dire quoi ici? C'est que Aujourd'hui, il y a des gens qui non seulement ils n'accordent pas de l'importance à la croyance, mais ils font fuir les gens même de la croyance. Voyez. Donc voilà pourquoi il a dit Asbahna nasma fi hadhihi al-awniyat al-akhira. Nous attendons ces derniers moments. Kalaman ici c'est ismul jins, des paroles yunabiz al-aqida, qui rejette la croyance. Famin al-jama'at, il y a parmi ces groupes man ya'tabir masail al-aqida, qui considère les sujets de croyance masail juz'iyat, des sujets partiels, c'est-à-dire des sujets qui sont partiels. La yu'tana biha, on n'accorde pas de l'importance à cela. Bal wa minhum man yaqul, et nous dirons même qu'il y a parmi ceux-là qui sont dans ces différents groupes, comme on dira les jama'at, les groupes égarés, qui disent mal ladhi yudiruna in asbatna lillahi yadan aw lam nasbut. Regardez cette parole, c'est une parole que Shania. Il dit, quelle calamité va tomber sur nous? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer si nous affirmons la main pour Allah ou bien nous n'affirmons pas? Quelle calamité va descendre sur nous? Wa hadhihi min al-masa'ib wa at-tamat. Cela fait partie des catastrophes qu'Allah nous préserve. Wa min al-ma'loum عند الجميع ما لعقيدة التوحيد من منزلة كبرى في الشرع. Ce qui est connu auprès de tous est que la croyance du tawhid a une grande place dans la sharia. فالخلق بأجمعه, la création dans tout l'ensemble, toutes les créatures, innama khuliqa li ghayatin uzma, ils ont été créés pour un objectif immense. Ala wa hiya ubudiyatillahi ta'ala, et ce n'est d'autre que la servitude, adorer Allah, comme qala ta'ala, comme Allah le Très-Haut dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah dit ici, ma uridu minhum min riskin wa ma uridu an yutaimun. Je ne veux pas d'eux la subsistance et je n'ai pas voulu aussi qu'ils me donnent la nourriture. Alors ici, l'aqida, qui est la croyance, a une importance immense parce que c'est pour cela les créatures ont été créées. Mais si vous voyez des gens qui viennent et qui essaient de diminuer l'importance, qui essaient de rabaisser l'importance du tawhid, alors sachez que innama yuriduna an yad'ukum ila ad-dhalal. Ils ne veulent par cela que vous appelez à l'égarement. Wa illa, ce pourquoi les créatures ont été créées, c'est à cause de l'aqida, la croyance, le tawhid. Wallah subhanahu wa ta'ala, lam yursil ar-rusula wa lam yunzil al-kutuba illa li ajli tahqiq at-tawhid. Allah n'a pas envoyé les messagers, ni fait descendre les livres, que pour concrétiser le tawhid. Wa da'wati an-nas ilayhi, et appeler les gens vers le tawhid. Voyez. Non. Et appeler les gens vers le tawhid. Comme qala Allah azza wa jal, comme Allah dit, yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah fait descendre les anges avec l'Esprit, par son ordre, qui est le livre, sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, en andirou, d'avertir, annahu la ilaha illa ana fattakoun, qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, si ce n'est qu'Allah, et craignez-moi. Kama fi qawlihi subhana, comme on trouve aussi dans la parole d'Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونِ. Allah dit ici, je l'ai envoyé avant toi de messager sans lui révéler qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est que moi, Allah, et adorez-moi. وَكَمَا قَالَ اللَّهُ, comme Allah il a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager qui leur a dit, adorez Allah et écartez-vous du taghut. وَأَوَّلَ أَمْرٍ فِي الْقُرْآنِ, le premier ordre qui est descendu dans le Coran, c'est la parole d'Allah dans sourate Al-Baqarah. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont précédé afin que vous le craigniez. وأول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم. Et la première des choses par laquelle commencent les messagers d'appeler leur peuple. كما حق الله عز وجل عنهم. Comme Allah relate cela d'eux, c'est la parole, يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Tous les messagers, ils ont commencé leur da'wah par cela, leur prédication, qui est au notre peuple. Adorez Allah, ça c'est da'wah ila la tawhid. Al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibada, le Tawhid dans l'adoration. Et ils ont dit, adorez Allah, hada isbat. Ma lakum min ilahin ghayru, hada nafi. C'est-à-dire, vous n'avez point de divinité que vous devez adorer si ce n'est que lui. Allah. Voici le Tawhid. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. مكث 23 سنة. Il a demeuré 13 ans. يدعو إلى الله. Il a demeuré à la Mecque pendant 13 ans appelant à Allah. منها 13 ici il a demeuré 23 ans à fond. 23 ans appelant à Allah. Dans ces 23 ans, il y a Salasu Ashara Sana fi Makkah. 13 ans à la Mecque. Ashara Sinina minha yuqarriru tawhid wa yad'u ilayhi. Et 10 ans de cela à Médine, dans lesquels il approuve le tawhid, c'est-à-dire il enseigne le tawhid et il appelle au tawhid. Wa yuharibu shirk, il combat le shirk. وَيُحَذِّرُ مِنْ et il met en garde contre le shirk. وَبَاقِ حَيَاتِهِ le reste de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'était fi tasbiti aqidati tawhid, à ancrer ou bien affirmer, enraciner la croyance du tawhid. وَتَرْثِقِهَا et ancrer cela dans les cœurs des compagnons. وَفِي بَيَانِ الْأَحْكَامِ الشَّرَعِيَّةِ et dans la clarification des jugements de la shari'a. Regardez ici, ayouha l'ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les créatures que pour l'adorer. Lui seul, sans aucun associé. Il a garanti le paradis éternel pour celui qui meurt sur son unicité. Et il a garanti aussi l'enfer éternel pour celui qui ne concrétise pas son unicité. Celui qui meurt sur le shirk, il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ». Il ne pardonne pas celui qui meurt sur le shirk. C'est-à-dire celui qui meurt sur le shirk, il est éternel dans le feu de l'enfer. Et il garantit aussi le feu de l'enfer à celui-là et qui ne verra jamais le paradis. Allah dit « Innahu man yushrik billah faqad » Haram Allahu alayhi al-jannah. Celui qui est associé à Allah, Allah l'interdit totalement. Interdiction totale de rentrer dans le paradis. Tayyib, et lorsqu'il a envoyé ses messagers, ils ont commencé par le tawhid. Ils ont été combattus. On les a tués. Des messagers ont été tués. Des messagers ont été fendus en deux. À cause de quoi? Du tawhid. De la da'a au tawhid. Ils ont patienté. Ils ont commencé leur da'wa par le tawhid. L'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, c'est-à-dire lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a donné le message, qu'est-ce qu'il disait aux Mécois? قولوا لا إله إلا الله كلام واحد une seule parole قولوا لا إله إلا الله وكان يكرر ذلك حتى في الأسواق dans le marché il rentrait il dit قولوا لا إله إلا الله il disait pas autre chose il se limitait seulement à cela قولوا لا إله إلا الله ضرب وشجع لأجل ذلك. Il a été frappé et blessé à cause de cette parole. Tellement cette parole est importante. Car il dit, celui qui dit « La ilaha illallah tuflihu » vous allez réussir. Voici la clé de votre paradis. Si vous dites « La ilaha illallah » « Makassa »« Salas wa ishrina sana » Il est resté dans sa prophétie pendant 23 ans en train d'appeler au tawhid. Et on trouve des gens aujourd'hui, ils viennent dire non, mais les musulmans ont compris le tawhid. Avec tout ce qu'on vient de dire là. Et ils disent, les musulmans ont compris le tawhid. Ah, chaque fois tawhid, chaque fois tawhid. Hein? Apprenez les autres choses aux musulmans. Tant que quelqu'un vient dire « La ilaha illallah », il a compris le tawhid. Dans plusieurs paroles de l'imam Ibn Qayyim et aussi l'imam Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, je crois qu'il a emprunté cette parole d'Ibn Qayyim. Dans d'autres, c'est Kutub, il dit cela. Il dit « Tabban ». Il dit que soit maudit. لمن كان أبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله. Celui dont Abu Jahl est plus savant que lui du sens de la ilah. Pourquoi cette parole? Parce que Abu Jahl wa Abu Lahab et ses mécréants de Makkah كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. Et ils savaient que lorsque tu disais la ilaha illallah, l'invocation, la crainte, la soumission, tout ce qui est différents types d'adoration ne doit être voué qu'à une seule divinité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien sont les musulmans qui disent la ilaha illallah, mais qui ne savent pas que c'est Allah seul qui connaît les visites. Kessir Aulala. Ils sont nombreux ou pas? Léalizalika yazabuna illa sha'waza. C'est pour cela qu'ils vont vers les charlatans. Ils vont vers les marabouts. Pour connaître ce qui est dans l'invisible. Alors que ces personnes ne connaissent pas l'invisible. Parce qu'Allah dit Kulla ya'alamul ghaib illa Allah. Personne ne connaît l'invisible si ce n'est qu'Allah. Toyib, combien sont ces musulmans qui ne savent pas que lorsque tu dis « La ilaha illallah », tu dois vouer tout ce qui est adoration à Allah seul. Ils sont pleins. Ils vouent les adorations à les chiouk dans les tombes. Ils vouent les adorations à les chiouk même qui sont vivants. Ils s'agenouillent devant eux, ils se couchent devant eux. Ils sont des serviteurs, des hommes, pas du Créateur. Ils sont combien? Alors cette personne va venir dire que ma yudiruna, quelle calamité va descendre sur nous si on dit que Allah a main ou bien Allah n'a pas main. Ou bien, ah non, laissez les musulmans. Ils ont déjà compris. Hein? Est-ce que ça c'est difficile? Hein? Quelle est le son de la ilaha illallah? Il va dire, il n'est de Dieu que Dieu. Il dit, voilà, il a compris. Il a compris le sens de la ilaha illallah. Il n'est que de Dieu que Dieu. Allahu Akbar. Il n'est de Dieu que Dieu. Ça, ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Ça, c'est comme tu dis, il n'y a aucun créateur si ce n'est qu'Allah. Oui, on a compris. Mais les mécréants de Makka, ils n'avaient pas de problème avec cela. Est-ce qu'ils avaient de problème avec cela? Kul man yarzukukum minas sama. Qui vous accorde la subsistance des cieux? Hein? Ils diront c'est qui? Waman yuhyi wa yumit. Waman yudabbiru al-amr. Parce que yaquluna Allah, ils diront que c'est Allah. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème avec cela. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que les mécréants de Makka adoraient Allah? Non. Ils adoraient Allah. Ils n'avaient pas de problème avec cela aussi. Kanu ya'buduna Allah. Avant la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père Abdul Muttalib a pris un engagement avec Allah. Cela est arrivé. Il a nommé son fils Abdullah. Il n'avait pas de problème avec cela. Le seul problème, quand ils ont compris le sens de la ilaha illallah, et que le seul problème, quand ils ont compris le sens de la ilaha illallah, c'est bon? Quand ils ont compris le sens de la ilaha illallah, ils ont dit Aja'alal alihata ilahan wahid. Ils ont compris. Ah, nous on a Lat, wal Uzza, wa Manat, wa Hubal, wa. On a toutes ces divinités-là. Donc, Mohammed veut que on délaisse tout cela et qu'on adore Allah seul. Fahimu amla, fahimu mana la ilaha illallah. Mais combien sont ceux-là dans cette communauté aujourd'hui qui se disent musulmans mais qui ne comprennent pas le sens de la ilaha illallah? C'est sûr. Et ensuite, quelqu'un va venir dire que laissons les musulmans. Avec le tawhid. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Kullu hadha yadullu dalalatan wadihatan. Tout cela montre clairement ala wujub al-ihtimam bi umur al-aqidah. L'obligation d'accorder de l'importance aux affaires de croyance, ta'alluman dans l'apprentissage, wa ta'liman dans l'enseignement. Wa amalan dans l'action, wa da'watan et dans la da'wa. Voici le fondement des gens de la sunna. Ils commencent les da'wa par le tawhid. Ils commencent d'abord à apprendre la croyance. Ensuite, s'ils commencent la da'wa, ils commencent les da'wa par le tawhid. Et ils restent sur le tawhid jusqu'à leur mort. Cela ne veut pas dire qu'ils n'enseignent pas d'autres croyances. Et ils n'enseignent pas d'autres livres, Afwan. Khata minni, c'est pas d'autres croyances. Ils n'enseignent pas d'autres livres. Cela ne veut pas dire cela. Ils enseignent le fer, ils enseignent la sira, ils enseignent beaucoup. Mais le tawhid, il reste dans cela, dans l'apprentissage de cela, jusqu'à la mort. Et vous allez voir pourquoi. Il reste sur cela. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté sur cela jusqu'à sa mort. Tayyib. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَقِيدَةِ Cela parce que la croyance, إِذَا سَلِمَتْ مِنَ الشَّوَائِبِ Si ça a été préservé des mélanges, فَصَوْحِبُهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا مَحَالَ Alors celui qui a ce tawhid-là, il fait partie des gens du paradis, il n'y a aucun doute en cela. وَلَوْ كَانَ مُرْتَكِبًا لِلْكَبَائِرِ Même si c'est quelqu'un qui fait les grands péchés. فَإِنَّ أَصْحَابَ الْكَبَارِ إِلَى اللَّهِ Car l'affaire des gens du grand péché, leur affaire incombe à Allah le jour de Yom al-Qiyamah. إِنْشَاءَ ta'ala عَزَّبَهُمْ Si Allah veut, Allah les châtie, ثُمَّ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةِ بِتَوْحِيدِهِمْ Ensuite, Allah les fait rentrer au paradis à cause de leur tawhid. وقبل ذلك بفضله وكرمه et avant cela par sa grâce et sa générosité. وإن شاء الله عفا عنه si Allah veut, Allah les pardonne. فهي وإم الله وإم الله يعني والله النجاة والعزة. Il dit je jure par Allah que cela réussit. Et la préservation. Celui qui a le tawhid. Regardez, on te dit, si tu as le tawhid, même si tu voles, même si tu tues, même si tu forniques, même si tu fais l'adultère, alors tout ça, c'est des grands péchés. Et il n'y a pas de doute que le musulman ne doit pas s'adonner à cela. Mais, tant que tu as l'unicité d'Allah en toi, ton paradis est garanti. C'est une garantie pour toi de rentrer au paradis. Maintenant, si tu meurs sur les grands péchés, alors tu es sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, tu es sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il te pardonne. Directement. Sans te châtier pour ses péchés. S'il veut, il te corrige pour ses péchés, mais ta finalité, c'est où? Au paradis. Au paradis. Qui va s'amuser avec ça? Qui va s'amuser avec ce tawhid? Qui? Toute personne qui est consciente ne va pas jouer avec ce tawhid. Va tout faire pour comprendre ce tawhid et puis mettre ce tawhid en pratique. N'est-ce pas? Nassallallahu alayhi wa sallam. وَلَا تَكَادُ تَرَى أَحَدًا سَلِيمًا مُعْتَقَدًا إِلَّا وَأَعْمَالُ الْبِرِّ وَسَائِرُ الطَّعَاتِ أَخَفُ عَلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الرِّيشِ Il dit, tu ne trouveras pas une personne qui a une bonne croyance sans que les actions de bien et les autres obéissances soit plus facile pour lui que de porter la plume. Ici, qu'est-ce que le cheikh veut dire? Celui qui a une bonne croyance, hana alayhi tarkul ma'asiya. Ça devient plus facile pour lui de délaisser les désobéissances et d'être dans les obéissances. C'est plus facile que pour lui que de porter la plume. Al-rij, c'est la plume. De porter cela. Voyez pourquoi? Parce que vous verrez cette personne qui a la croyance, alors même s'il est dans les désobéissances, ça serait plus facile pour lui de délaisser certaines désobéissances. Je vous donne un exemple. L'exemple de cela, c'est que beaucoup parmi, je ne dirais pas parmi vous, mais parmi les gens qui avaient des habitudes, qui avaient des péchés dans le passé, lorsqu'ils ont commencé à apprendre le tawhid, comprendre la sunna, ils ont délaissé ces actions même sans s'en rendre compte. N'est-ce pas? Ils ont délaissé certaines habitudes sans s'en rendre compte. Parce que c'est la croyance qui fait cela. La croyance t'accroche à ton Seigneur. Elle te fait délaisser certaines actions à cause de son Seigneur. Même si la personne a des péchés, il est conscient que ces péchés-là, il doit délaisser. Et il fait des efforts pour délaisser. Parce que Ma'ahu Allah. Il a Allah avec lui. Il a la croyance saine. Vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque tu vas faire la dawa à quelqu'un, regardez masalam ceux-là qui font la dawa aux gens, délaisser la zina, ils rentrent dans les détails, dans les khutab, délaisser le vol, les jeunes ne prient plus, les jeunes ne font plus cela. Tayyib, c'est comme une fois j'ai assisté à une khutba d'un imam. Il a fait la khutba, il a dit, il parlait du quartier. Il a dit que dans le quartier, vraiment, les jeunes ont commencé à chercher les jeunes filles, ont commencé à voler, ont commencé à faire ceci, ont commencé à faire cela. Et il a commencé à citer, et il a commencé à venir maintenant avec les Umur Jahannam. Il dit, celui qui fournit une seule fois le jour de Yom Al-Kiyama, il va boire le superbe de tous ceux qui ont forniqué. Tous ceux qui ont forniqué sur la terre, il va boire le superbe. Et il a dit toutes ces choses-là. Lorsqu'il a fini, je suis allé le voir. Et bon, je lui ai dit, en tout cas, vraiment, ta khutba, ça a été vraiment mokhif, quelque chose qui va faire peur aux gens. Mais je vais te montrer ce qui est plus important. Ces jeunes dont tu parles d'eux, enseigne-les, appelle-les, enseigne-les la croyance. S'ils ont compris qui est Allah, et s'ils ont commencé à adorer Allah, ils vont délaisser toutes ces choses-là. La chaka fizalik. Voyez, tous ceux qui aujourd'hui sont sur la sunna, la salafia, ils avaient un passé. Souvent même un passé très amer. Donc lorsqu'ils se rappellent, ça les dérange. Au fond d'eux, malgré qu'ils se sont repentis. Mais c'est qu'est-ce qui les a fait changer? Qu'est-ce qui les a fait changer? C'est le tawhid. C'est le tawhid qu'ils ont appris et qu'ils ont mis en pratique. Qu'Allah nous accorde le tawhid. Alors c'est ce que le cheikh il veut dire ici. وَلِذَلِكَ كَانَ الْإِهْتِمَامُ بِهَا. C'est pour cela accorder de l'importance à cela. وَلَعَمَلَ عَلَى تَصْحِيحِهَا. Et œuvrer pour corriger cela, min ajallil umur wa azamil amal, fait partie des plus immenses choses et les plus immenses actions. Wa li tawhid fada'il kathira. L'unicité d'Allah a beaucoup de mérites. La taqfa ala talib al-ilm, qui n'est pas caché pour l'étudiant en science, wa la da'i ila Allah, et pour celui qui appelle à Allah. فمن فضائله parmi les mérites du tawhid أنه يمنع الخلود في النار. Le tawhid empêche l'éternité dans l'enfer. إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. Même s'il n'y a seulement que plus petit que un grain de moutarde. Plus petit que cela. Même s'il y a un atome de tawhid dans ton cœur, tu ne vas pas être éternel dans le feu de l'enfer. Voici le mérite du tawhid. Alors même si tu passes toute ta vie à apprendre le tawhid, est-ce que tu as perdu ton temps? Tu n'as pas perdu ton temps. Au contraire, tu as été créé pour cela. Donc passe toute ta vie à l'apprendre. Passe toute ta vie à chercher à concrétiser cela. Wa minha. Parmi les mérites du tawhid, annahu iza kamula fil qalb, et que si le tawhid est complet dans le cœur, yamna udkhul an-nari bil kulliya, empêche l'entrée dans le feu de l'enfer d'une manière totale. C'est-à-dire la personne ne va même pas passer par là. C'est-à-dire la personne ne va même pas être jugée même. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Cette personne. Qu'Allah nous accorde le tawhid. ومنها أيضا parmi les mérites du tawhid حصول الاهتداء الكامل, l'obtention de la guidance complète. Wal-amnul kamil, et la sécurité complète fi dunya wal-akhir liman haqqaqa. Dans la dunya et l'au-delà. Dans la dunya, il sera en sécurité. Il n'y a pas une personne plus sereine que celui qui a le tawhid. La yakhafu minashi. S'il sort le matin et puis il voit un gris-gris devant sa porte, il chute même et puis il passe. Mais celui qui n'a pas le tawhid, s'il voit ce gris-gris-là, il ne va plus sortir ce jour-là. Ou bien soit un enfant prendre cendre pour venir verser devant sa porte. Un enfant, il est en train de s'amuser, il prend cendre, il vient verser devant sa porte. Ou bien il va vers sa moto, vers sa voiture, il fait le tour du cendre là, autour de la voiture. Ce jour-là, en tout cas, la voiture, elle ne va pas toucher. Ça, c'est clair. Il va l'emprunter un taxi ou bien un baka pour aller au travail. Mais tant que un charlatan n'est pas venu voir voiture là, pour voir s'il n'y a pas de danger autour, lui ne va pas toucher la voiture. Hazal khawf. Celui qui a le tawhid, il a la sécurité. Il a la sécurité dans la dunya par le fait qu'il ne crée rien en dehors d'Allah. Il a la sécurité dans la akhira par le fait que il ne va pas passer par l'enfer. Il est en sécurité. Yom al-Qiyama, yadkhulu al-Jannah. Il va rentrer au paradis. Comme Allah dit dans Surat al-An'am, Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa lam yalbisu imanahum bidhulm, et n'ont pas mélangé leur foi avec une quelconque injustice, qui est quoi? Le shirk. Oulaïka lahumul am. Ceux-là, ils ont la sécurité. Wahum muhtadun. Et ils sont bien guidés. Wa minha, parmi les mérites du tawhid, anna as'ad an-nas bi shafa'ati al-mustafa. Est le plus heureux des gens de l'intercession du messager d'Allah. C'est man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. C'est celui qui a dit la ilaha illallah d'une façon sincère de son cœur. Le jour de Yawm al-Qiyama, les gens seront en difficulté. Dans une difficulté qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas l'imaginer, nous. Les descriptions nous sont données, mais on ne peut pas imaginer. Car celui qui est dans la difficulté, c'est lui qui imagine bien la difficulté. Mais le jour de Yawm al-Qiyama, les gens auront plus besoin de l'intercession. Et vous savez qui seront ceux qui sont les plus heureux de l'intercession, de la meilleure des créatures? C'est ceux qui ont concrétisé le tawhid. Les gens du tawhid. Wa minha, et ici, as'alu an-nas bi shafa'ati Muhammad. Ça vient de le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari d'après Abu Huraira, qui a dit annahu qila ya rasul Allah. Ils ont dit au messager d'Allah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah, qui est le plus heureux des gens de ton intercession le jour de la résurrection? Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah il dit laqad zanantu ya Abu Huraira Allah yas'alani an hadha al-hadith ahadun awwala mink lima ra'aytu min hirsika 'ala al-hadith. Et déjà cette pensée, et même je pensais que personne d'autre n'allait me poser cette question avant toi, Abu Huraira. Il dit à cause de hirs, de ton engouement pour le hadith. Alors il va répondre à la question. Il dit man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Celui qui dit la ilaha illallah de manière sincère de son cœur ou de son âme. Alors parmi les mérites du tawhid, أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب ثوابها عليه على التوحيد. Ici, c'est très important. Les actions et les paroles, que ce soit cachées, apparentes, sont stationnées dans leur acceptation, dans leur caractère complet, dans l'ordre de leur récompense sur le tawhid, sont stationnées sur le tawhid. Celui qui n'a pas le tawhid, quelle que soit l'action qu'il va faire, amilatun nasiba, son action est rejetée. Parce que c'est Allah dit dans le Coran, فَحَبِطَ عَنُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Leurs actions sont nulles. فَحَبِطَ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ. Les actions sont nulles dans la dunya et l'au-delà. Tout ce qu'ils faisaient est nul. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. On viendra avec les actions et les actions seront comme du poussière. Pourquoi? À cause du manque de tawhid. L'action est basée sur quoi? Sur le tawhid. Alors si l'action n'est pas basée sur le tawhid, sur l'ikhlas, l'action est rejetée. Parce qu'on a deux conditions d'acceptation de l'action. N'est-ce pas? Al-ikhlas ou al-mutaba. Le tawhid est le suivisme du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important de comprendre cela. Chaque fois que le tawhid, yani, sera fort, ces choses-là aussi seront fortes. Voilà aussi ce qui est important. Parmi les mérites du tawhid, le tawhid libère la personne de la servitude des créatures. وَتَعَلُّقُ بِهِمْ. Et s'accrocher aux créatures. وَخَوْفِهِمْ. Les craindre. وَرَجَائِهِمْ. Espérer d'eux. وَالْعَمَلُ لِأَجْلِهِمْ. Et faire l'action à cause d'eux. Celui qui a le tawhid, il ne va pas se prosterner devant quelqu'un. Il ne va pas se mettre à genoux devant quelqu'un. Il ne va pas faire ce dont on ne peut même pas raisonner de ce que les soufis font. Il ne va pas faire ça devant quelqu'un. Parce qu'il est le serviteur d'Allah. Il n'est le serviteur de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a le tawhid, il est le serviteur de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était fier d'être le serviteur d'Allah et Allah faisait son éloge d'être parmi les serviteurs d'Allah. Fi maqami al-Isra, Allah dit subhanallazi asra bi 'abdihi, son serviteur. Il a fait voyager de nuit son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même il disait, Allahumma inni abduk, je suis ton serviteur. Alors être le serviteur d'Allah, il y a en cela, comme le cheikh il va le dire ici, huwa al-izzul haqiqi, c'est la force, la puissance, la fierté, wa sharaful ali, et la noblesse élevée. Être le serviteur d'Allah. Mais regardez les soufis, les tijani et ceux qui sont derrière les chiouks. Ils sont les serviteurs de qui? De les chiouks. Ils n'ont pas les serviteurs d'Allah. Parce que si les chiouks disent faites ceci alors que Allah interdit, ils vont le faire. Après ils disent Kun ma sheikhik kal mayyit ma al mughassil. Sois avec ton cheikh comme le mort qui est avec celui qui le lave. Celui qui lave le mort là, la manière dont il va tourner le mort, c'est comme ça le mort. Voilà, on appelle ça en arabe ima'a. Vous connaissez ima'a? Marionnette. Qu'Allah nous préserve. Alors c'est le tawhid qui va ramener la personne dans cela. Tawhid, Regardez la majorité des tourouks soufis, comment les gens souffrent derrière eux. Ils sont prêts à donner tous leurs biens, même sacrifier leurs enfants à cause du cheikh. Et si on adorait Allah, on se tournait vers l'adoration d'Allah, est-ce qu'on sera dans cette servitude des hommes, des créatures? La wallah. Il a réalisé que min al-fawaid allati ashara ilayha, et autre que cela parmi les bénéfices qu'a indiqué le cheikh Ibn Saidi, Abdurrahman Ibn Saidi, dans son Hashiya, dans son annotation sur Kitab Tawhid. Alors le cheikh il dit maintenant, falwajibu. Maintenant ici on a fini de parler de l'importance, vous voyez l'importance du Tawhid. Alors le cheikh Abdus Salam il dit maintenant, falwajibu ala du'ati ila Allah. Ce qui est obligatoire pour les prédicateurs, en yatanu bi amri tawhid, d'accorder de l'importance au tawhid, wa an yahtammu bihi, et donner de l'importance fa'iqa, excessive, wa inna mimma yu'lim al-qalb, et de ce qui fait mal au cœur, an tanbitana bitatun, qu'apparaît certaines personnes taqul lima hadha al-ihtimam bi tawhid. Pourquoi accorder toute cette importance au Tawhid? Masalan, tu le vois, il enseigne le livre de Tawhid. Il finit en quoi? Il prend le même livre. Après, il prend un autre livre de Tawhid. Pourquoi accorder toute cette importance? La ilaha illallah, le sens est connu. La ilaha illallah. Est-ce que, jusqu'à il y a un d'entre eux, je l'écoute, il dit, lui, n'imagine pas qu'il y ait un musulman sur la terre qui ne comprend pas le sens de la ilaha. Il ne peut pas imaginer ça. Parce qu'avant de rentrer dans l'islam, on te dit le sens. Et ensuite, maintenant, tu es dans l'islam, là, chaque jour, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah dans tes ablutions. Pourquoi ne pas connaître le sens de la ilaha illallah? Il dit, n'imagine pas un musulman qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Et celui qu'on va lui poser la question dans la tombe, on va lui dire Man rabbuk. Il va dire Ah, la Sami. Tunas yakuluna shay'an fa qultu. Lui c'est qui? J'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit aussi. C'est qui? C'est un musulman dans la paresse. Mais là qu'il soit Ramadan, il a entendu les gens dire. Est-ce que le mécréant, s'il entend les gens dire là et là, il va dire? Il va pas dire. Lui-même, il ne croit pas à ça. Lui, il est à l'aise, il s'assoit sur son divan ou même son fauteuil et puis il dit, oh, vous l'allez, ça c'est des blagues. Dieu n'existe pas. Et puis c'est fini, lui, il est mécréant en khalas. Mais c'est le musulman qui entend dire, les gens disent, la ilaha illallah, d'autres même chantent. Qu'Allah nous préserve. Ils viennent, ces gens qui apparaissent, ils disent, c'est ce que le chef dit, de ce qui fait mal au cœur. C'est des gens qui apparaissent qui disent pourquoi cette importance au tawhid? Ala nahtamu bi umuri al-muslimina wa shu'unihim. Est-ce qu'on ne va pas donner d'importance à l'affaire des musulmans et leurs problèmes? Fal muslimuna yuqtaluna yaminan wa shimala. Les musulmans sont tués de gauche à droite. Wa nahnu nad'u ila hadmi al-kibab. Nous on appelle les gens à détruire les mausolées. Wa izalat al-masjid allati buniyat ala al-qubur, et enlever, c'est-à-dire détruire les mosquées sur lesquelles les mosquées qui ont été construites sur les tombes. Wa nahnu izalika min al-masail, et autre que cela. Tu trouves les musulmans comme ça. Il dit non, mais attends, les musulmans sont tués en Palestine et vous êtes là. Tawhid. Mais toi, tu fais quoi ici? C'est ça le problème. Quand toi, tu dis, les musulmans sont tués, toi, tu fais quoi ici? Tu es en train de parler là. Il faut partir. Ou bien? Qu'Allah nous préserve. Wa qailu hadha al-qawl, celui qui dit cette parole, nasiya, il a oublié. Ou bien Tana à ça, ou bien il se jette en brousse. قول امام الخلفاء ابراهيم لا parole de l'imam des gens du tawhid qui est Ibrahim alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa junubini wa baniya an na'bud al asnam. Écarte-moi. Ibrahim, il a demandé à Allah de l'écarter, ainsi que ses enfants, d'adorer les idoles. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة. Si Ibrahim, l'imam des gens du Tawhid, dont Allah a fait de lui seul, une communauté. قال عنه. Et Allah dit au sujet d'Ibrahim dans Surat al-Najm, wa Ibrahim alladhi waffa. Waffa yani atamma wa akmala ma amara Allah bih. Ibrahim a complété et a achevé tout ce dont Allah lui a donné comme ordre. Ibrahim alladhi waffa. Si Allah qui a dit cela au sujet d'Ibrahim, wa amara nabiyahu Muhammad, et a ordonné à son messager, à son prophète Muhammad, an yattabi'ahu fi hanifiyatihi, de suivre Ibrahim dans sa hanifiyya qui est le tawhid. Al-hanifiyya, c'est al-mayl al-kulli ila tawhid. Se pencher totalement vers le tawhid et se détourner du shirk. Adaman al-hanifiyya. Allah demanda à son prophète de suivre Ibrahim dans la hanifiyya, ce Ibrahim-là. Wamtanahahu Allah ta'ala, et Allah éprouvait Ibrahim bizabhi ibnihi, d'immoler son fils. Famtathala, il a exécuté. Walabba amra Allah, il a répondu à l'ordre d'Allah. Wa kasara al-asnam bi yadihi sharifa, il a cassé les idoles avec sa noble main. Washtadda nakiruhu, et il a détesté de manière intensive à la ahli shirk, les gens du shirk. Ma hadhil fada'il. Regardez, même avec tous ces mérites là. Wa ghayruha, et autre que cela, yakhafu an yaqa fi shirk. Il craint de tomber dans le shirk. Ibrahim. Hein? Alladhi huwa ibadatu al-asnam, qui est l'adoration des idoles. Huwa a'zamu shirk, wa huwa a'zamu shirk, et qui est le plus immense shirk, qui est l'adoration des idoles. Il craint cela. Fama baluka bima duna. Que diras-tu de celui qui est en dessous, celui qui n'a pas atteint le degré d'Ibrahim? Hein? ولذلك يقول ابراهيم التيمي. C'est pour cela que Ibrahim al-Taymi, il dit dans sa parole, il dit wa man ya'manu shirk ba'da Ibrahim. Allahu akbar. Kalam al-jamil. Qui peut être en sécurité de tomber dans le shirk après Ibrahim? Man. La yujad. Personne. Si Ibrahim craint de tomber dans le shirk, est-ce que toi, c'est toi, tu dois être en sécurité? Hein? Alors ici, cette parole d'Ibrahim al-Taymi est rapportée par l'imam Ibn Jarir, d'après Mughira. Il dit, « Kana Ibrahim al-Taymi yakussu. » Ibrahim al-Taymi donnait des récits, « wa yakulu fi qisasi » et disait dans ses récits, « Man ya'manu min al-bala'i ba'da khalilillah Ibrahim » Qui sera en sécurité du malheur, c'est-à-dire le bala ici de tomber dans le shirk, après Ibrahim, lorsqu'il a dit Rabbi jnubini wa baniya an na'bud al asnam. Allah, écarte-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Wa yaqulu Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab fi hadithi Abi Saïd al-Khudri. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, qui dit, « Qala Moussa, Moussa a dit, « Ya Rabbi, Allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bih. Enseigne-moi quelque chose, je t'évoquerai et je t'invoquerai avec. Qala Musa. Allah dit, ya Musa, qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Alors ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et l'imam Hakim. Alors le hadith vient dans Kitab Tawhid, dans le début même de Kitab Tawhid. Ça va? Lorsque Moussa, il a dit cela, Allah lui a dit, de la ilaha illallah, Moussa lui a dit, Ya Rabbi kullu ibadika yakuluna had. Tous tes serviteurs disent cela. Et Allah dit, قال لا إله إلا الله. إلى دي لا كل لا إله إلا الله. على لي دي كل لا إله إلا الله. إنما أريد شيئا تخصني به. Et Moussa dit, je veux quelque chose que tu vas me donner de façon spécifique. قال يا موسى. على لي دي لو أن أهل السماوات السبع. Si on prenait les gens des sept cieux. والأرضين السبع. Et les sept terres. في كيفا. On mettait sur un côté de la balance. ولا إله إلا الله في كفة إلا إله إلا الله سين كوتي دي لا بالانس مالت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله على بيزي كي تو سولا لكن الحديث ضعفه الألباني الحديث ضعيف قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي في كتاب التوحيد على هذا الحديث سيس الحديث Il dit fihi anna al-anbiya yahtajuna lit-tanbih ala fadli la ilaha illallah. Il dit il y a dans ce hadith que les prophètes ont besoin qu'on attire leur attention sur le mérite de la ilaha. Fa yajibu alayna. Donc le cheikh il dit à la fin, il nous est obligatoire an nahtamma bi hadha al-amr. Écoutez très bien. D'accorder de l'importance à cela, quel est le chapitre? Quel est le quatrième fondement? Al-ihtimamu bi-aqidati as-salaf. Donner de l'importance, voilà le quatrième fondement des gens de la sunna, de la salafie. Et vous avez vu à travers ce cours, pourquoi donner de l'importance? Car c'est ce qui est la base. Donc voilà pourquoi le cheikh dit ici, فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَحْتَمَّ بِهَذَا الْأَمْرِ وأن نوليه اهتماما كبيرا يكون لي accord une grande importance فإذا سلم هذا الأمر si cette chose a été préservée فما بعده أخف وأسهل ce qui a après cela est plus léger et plus facile ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال et garantit la préservation de ce qui vient après parmi les actions. أما إذا كان هذا الأصل فاسدا، si ce fondement est perverti et détruit، فلا انتفاع ولا صلاة ولا قبول. Il n'y aura pas de profit. Il n'y aura pas de perfect de صلاة. L'action ne sera pas bien. ولا قبول et ne sera pas accepté. Cela nous préserve. Donc on va s'arrêter sur ce quatrième fondement. Inch'Allah Ta'ala. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يرزقنا الاهتمام بالتوحيد وأن يرزقنا الاستقامة على التوحيد وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد إنه تبارك وتعالى لكل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين